Vous avez le projet de lancer une entreprise, d'acquérir une compagnie ou encore de développer votre entreprise? La SADC Maria Chapdelaine est présente malgré la crise de la COVID-19. Notre équipe peut valider une occasion d'affaires, rechercher du financement d'entreprise ou même participer financièrement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de souligner l'importance de la forêt pour la région dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Évidemment, la saison de baseball n'est pas encore commencée et moi ce matin, je voulais faire une entrevue avec un joueur qui évolue dans les ligues mineures, dans le baseball affilié, pour savoir un peu quel est l'impact pour eux. Évidemment, il y aura tout vraisemblablement pas de saison de baseball mineure et savoir l'impact sur leur développement. Et on va parler avec un joueur de l'organisation des Phillies de Philadelphie, Benjamin Pelletier, qui a évolué dans le A moyen l'an dernier. Salut Benjamin. Salut, ça va bien? Ça va bien. Je suis avec Marc Griffin aujourd'hui. Salut, et on va aller d'une alternance. Je vous dis tout de suite, il y aura deux blocs. Dans le premier bloc, on va parler avec Benjamin. Et par la suite, on va parler avec Marc de l'actualité dans le baseball. Salut, Marc. Salut Dan, salut Ben. Je vais commencer avec la première question, Benjamin. Cette saison, évidemment, l'impact sur ton développement, ça veut dire quoi pour pas avoir de saison de baseball mineur? C'est sûr que t'es porté un peu plus à toi-même. T'as des gars un peu partout dans n'importe quel pays. Fait que faut que tu t'arranges avec ce que t'as. Puis c'est sûr qu'avec le confinement, c'est pas trop facile, mais l'impact sur mon développement, je perds une moitié d'année peut-être, on sait pas encore, mais c'est sûr qu'ici je continue à m'entraîner fort puis pratiquer au baseball comme si j'étais là-bas en fond. Marc. Ben, moi la question que j'ai pour toi, c'est que bon, évidemment, on vient de le dire, t'es confiné. Est-ce que ça te permet d'avoir un recul un petit peu sur ta carrière de joueur? Qu'est-ce que ça va te prendre peut-être pour passer à l'autre niveau? Est-ce que ce temps-là te sert un peu à mentalement peut-être être mieux préparé lorsque ça va recommencer? Ben dans le fond, oui. C'est sûr que je pense beaucoup. Là, c'est beaucoup mental de ce temps-ci. Surtout parce qu'on n'a pas de baseball, on n'a rien. Fait qu'on... Comme j'ai dit tantôt, on fait ce qu'on a. Fait que c'est sûr que mentalement, moi, je pense beaucoup à mes affaires. Puis j'ai hâte de retourner, c'est sûr, ça fait. OK. Benjamin, est-ce que tu es. Parce que heureusement, tu as Alex Agostino qui est au Québec. C'est lui qui t'a repêché. Donc, j'imagine que les Phillies te donnent quand même un bon support là, dans tout ça, non? De quel genre de sport? Je veux dire, ton programme d'entraînement. Alex doit communiquer régulièrement avec toi, pareil. Parce que vous êtes des prospects pour les Phillies, donc certainement qu'eux autres, dans leur job, c'est vraiment que le développement, que cette année-là, que vous maximisez votre développement malgré la pandémie. Là. Non? Oui, c'est sûr. C'est Alex, il m'appelle une fois par semaine à peu près, une fois par deux semaines, puis il prend des nouvelles. Puis il y a aussi avec les Phillies, les trainers, les strength coach, on a tous des plans un par un, puis ils nous aident beaucoup. On fait des appels à chaque semaine, deux, trois fois par semaine. Puis on a des zoom calls. Dans le fond, ils prennent beaucoup soin de nous autres. Puis c'est comme un plan un à un qu'on a avec eux. OK. Marc? Oui, Benjamin, ça me rappelle des souvenirs dans le sens que moi, je me suis mon premier camp d'entraînement, un peu naïf, puis là, t'arrives à la fin mars, puis là, whoop, t'es deux, trois coéquipiers de casier, soudainement, les casiers sont vides parce que les gars ont été remerciés, ont été releasés dans le jargon du baseball parce que bon, ils ont pas fait les équipes. Moi, ça m'avait un peu frappé parce que tu comprendras que là, tu réalises que c'est ta job, c'est ta vie. Là, t'entends sûrement parler des nouvelles qu'il y a plusieurs équipes qui se débarrassent d'un paquet de joueurs. Comment tu te sens? Parce qu'il y a peut-être un paquet de coéquipiers ou des gens, que même des gars avec qui tu as joué, qui n'auront plus de job demain matin. Comment tu vis ça, de voir de telles nouvelles? Ben dans le fond, ça fait 5 ans que je suis là, puis c'est comme ça chaque année. T'sais, j'en ai vu beaucoup de gars partir, mais c'est sûr que c'est vraiment dur à chaque fois voir tes coéquipiers partir. Mais dans le fond, c'est ton rêve à toi aussi, puis faut que tu le prennes genre en considération, puis tu bats pour un poste. Mais c'est vraiment dur, c'est sûr, voir des amis de longue date partir, puis voir l'intérêt en commun qu'on a avec eux là. OK. C'est quoi tes journées? Tes journées, tu passes comment de cet incite? J'imagine que tu es dans la région de Montréal, tu suis ton programme. C'est quoi une journée dans la vie de Benjamin Petit, c'est ainsi? Je suis sur la Rive-Sud en ce moment. Puis, ouais. En fond, c'est ça. Je fais mes affaires, je m'entraîne, je vais au baseball le matin ou le soir, des fois, ça dépend avec. Des gars de mon entourage. J'ai recommencé un peu plus de ce temps-ci. Mm. Parce qu'on sait pas, on sait jamais ce qui va arriver, dans le fond. Ouais. Puis, c'est ça. C'est un peu ça. Puis sinon, je fais des rénaux chez nous, des affaires un peu que je ferais jamais parce que je suis jamais là dans ce temps-ci. Là. Ouais. Mais, ça fait du bien, là. Ça fait du bien faire un peu d'aider du monde, puis, faire ce que je fais pas d'habitude, là. Marc, est-ce que t'as une question? Continue. Ouais, ben écoute, j'ai une dernière question là-dessus, mais bon, évidemment, Benjamin, tu suis l'actualité du baseball dans le sens que on sait qu'il y a une espèce de lutte qui se passe entre les propriétaires et les joueurs. C'est pas toujours évident pour un gars des ligues mineures de voir ça passer. Comment tu trouves la nouvelle où il y a des joueurs comme par exemple David Price qui décident eux de payer pour les gars des mineurs? Tu sais, la relation que vous avez avec les gars des majeurs, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un respect ou là, en ce moment, ben on a l'impression des fois que les joueurs pensent juste à eux et ils ne pensent pas aux gars des ligues mineures. Comment tu vois ça? Dans le fond, moi, c'est sûr que je les comprends, tu sais, dans le sens qu'ils veulent avoir plus d'argent parce qu'ils font, en tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent, là, mais... Moi, c'est sûr que si j'avais ma chance de jouer dans les majeures, puis tout, je prendrais ce qu'il y a dans le fond. Là. C'est déjà plus que rien. Là. Ouais. Mais nous autres, on, c'est sûr qu'on les respecte là, à n'importe quel point. Là, c'est notre équipe, puis tout. Puis c'est sûr que des gars comme David Price, comme l'autre gars des Rangers, qui ont fait des dons aux minor leaguers, là, c'est vraiment quelque chose. Là. C'est des gros dons, puis c'est des affaires pensées plus que 2 minutes de long. Ah, c'est parce qu'à quelque part, on en a parlé souvent. Moi, je m'en rappelle d'avoir fait une entrevue avec Abraham Taureau, il y a 2 ans. Il était dans le 2A à l'époque, puis il recevait 1 300 $ par mois, puis il était 4 dans l'appartement, puis il avait de la misère à manger. Donc, tu sais, à quelque part, il y a comme un déboussolement, là, Benjamin. Là. Exactement. C'est comme ça, les ligues mineures, puis je pense que ça va le rester pour un petit bout là, avant que ça change un peu, mais ça commence à changer, mais pas assez, mais je me plaindrai pas. OK. Est-ce que, Benjamin, est-ce que surtout ton développement, ça risque-tu de retarder beaucoup? Et est-ce que vous entendez parler de quelque chose? Est-ce que vous avez quand même des nouvelles qu'il pourrait y avoir une saison pareille? Mon développement, je pense que... Pour moi, ça va être correct, ça va être pas super. Okay. Ça fait quand même une couple d'années que je suis là. Puis, je me suis habitué avec l'équipe. Puis, je me sens bien dans le fond, dans l'organisation. Ouais. Puis, c'est ça. Là. Puis, okay. L'autre question, c'était quoi dans le fond? Est-ce que vous entendez parler qu'il pourrait y avoir une demi-saison? Est-ce que vous entendez parler de quelque chose? Honnêtement, on n'entend pas parler de trop de choses de plus que les nouvelles. Là. OK. On a juste des appels, des Zoom calls des fois, puis ils nous disent qu'eux autres, ils en savent autant que nous autres. Puis, tu sais, j'aurais aimé s'en savoir plus, moi aussi, mais on n'en sait pas plus. OK. Ben, on va te souhaiter la meilleure des chances, Benjamin. On va surveiller ça de près. Moi, j'ai une pensée pour les joueurs des ligues mineures, parce qu'hier, on a annoncé, évidemment, des grosses coupures. Et c'est pas facile pour vous, mais bon courage là-dedans. Ben, merci beaucoup. Benjamin Petit de l'organisation des Phillies de Philadelphie. Marc, reste là, on va parler de l'actualité dans le monde du baseball. On revient dans quelques instants avec Marc Griffin. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre. Et on est de retour à danresosport.com. Marc, écoute, c'est pas facile pour des joueurs des ligues mineures. Moi, j'ai pensé pour eux autres, je voulais parler avec un des joueurs des ligues mineures, le développement. Tu sais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Puis là, il arrive une pandémie comme ça. Hein. Je me mets dans la peau de Benjamin Pelletier. Lui, ça, on a annoncé plusieurs joueurs des ligues mineures qui ont été coupés. Puis lui, ça risque de passer en tordeur, malheureusement. Ben, c'est-à-dire que, écoute, ce qui arrive, là, les ligues mineures, on va se le dire, là, sont souvent laissées de côté. Ils sont souvent oubliés dans le processus de développement, du processus de dépenses d'une organisation du baseball majeur. Tu sais, ça fait des années, ça fait 75 ans et plus là, que des ligues mineures. Le but au baseball, c'est que tu ne fasses pas une vie dans les ligues mineures. Tu ne fais pas d'argent dans les ligues mineures. Le but, c'est que tu te développes et que tu t'en vas dans les ligues majeures. Donc, un gars qui va... Tu peux passer un maximum de 5-6 ans dans les mineurs. Ouais. Si tu es encore dans les mineurs après 6 ans, c'est tough, tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Que dans les prochaines années, je dirais là, vraiment là, dans les 2-3 prochaines années, il va y avoir une réforme totale du baseball mineur. C'est déjà commencé, ça avait été annoncé. Rappelle-toi, là, on voulait éliminer un certain nombre d'équipes. Ça va changer beaucoup parce que les ligues indépendantes, les ligues indépendantes ont beaucoup changé. C'était bon pour le baseball, les ligues indépendantes. Et d'ailleurs, je suis convaincu que plusieurs des équipes des villes qui vont perdre leur équipe affiliée à des équipes du baseball majeur vont récupérer via une ligue indépendante. Ça va améliorer le calibre des ligues indépendantes. Mais ça va aussi, Danny, le processus de monter dans le baseball majeur pour les gars du Québec. Parce que regardez, il y a 5 rondes cette année au repêchage. Il y en a pas les prochaines non plus, là. Fait que le gars qui était repêché jadis en 12-15e ronde, pouvait faire son bout de chemin dans les mineurs et causer une surprise, il n'aura plus la chance. Fait qu'il va falloir qu'il se prouve ailleurs avant, finalement, d'obtenir un contrat dans une équipe affiliée. Fait que tu vois que le portrait va changer beaucoup, beaucoup, là, dans les 2-3 prochaines années. J'ai parlé avec Michel Laplante la semaine passée, puis il disait que la Ligue Frontier pourrait passer à 25 équipes en 2021. Oui. C'est quelque chose. Mais pas seulement ça, mais le calibre va augmenter parce qu'il y a des qui ne seront pas repêchés. Tu sais, des gars qui vont sortir de senior du collège, ces gars-là vont vouloir jouer à balle. Fait que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller passer 2 puis 3 ans dans les ligues indépendantes, prouver qu'ils sont capables de jouer. Puis là, une équipe affiliée va aller les signer pour aller jouer 2 ou 3 ans, et peut-être à un an après, jouer dans les majeurs. Fait que c'est là que ça se passe. C'est comme si les propriétaires du baseball majeur, parce que honnêtement, ça coûte pas si cher que ça, les ligues mineures. Non. Mais pour des raisons comme on veut éliminer un nombre de joueurs, on sait si 200 joueurs, c'est trop, on va éliminer un paquet de joueurs, on va donner la possibilité aux équipes indépendantes de les développer un petit peu plus, puis on va aller les récupérer après. C'est un peu le portrait qui s'annonce. Ah, ça risque d'être... un gars comme Benjamin Pelletier risque malheureusement de passer dans le tordeur. Marc... Permets-moi de ne pas être d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, je suis pas sûr. C'est Ben est quand même un très bon prospect. Est-ce que les Phillies vont vouloir l'avancer? Ce qui va arriver là, rapidement, là, c'est qu'on va garder les meilleurs joueurs. On va axer le développement sur les meilleurs joueurs repêchés. Au lieu, excusez de l'expression, mais de perdre du temps avec des gars de 25, 30 rondes qu'on sait qu'ils ne se rendront pas. C'était juste pour mettre un uniforme sur le dos. Mais Ben Pelletier est encore considéré comme un très bon prospect. Je pense pas qu'il va passer dans le tordeur dans les prochaines années, mais ça va. C'est son rendement qui va déterminer ça. Mais ce qui risque d'aider, par exemple, Benjamin Pelletier, Marc, c'est qu'Alex Agostino est rendu très, très haut placé dans l'organisation des Phillies. Et tu sais, comme moi, que c'est une guerre de recruteurs, souvent, là. Tu sais, le recruteur pousse pour son joueur, puis le fait qu'Alex est hautement placé, ça peut aider Benjamin Pelletier. Là. Ça peut pas nuire. On va dire ça de même, ça peut pas nuire. C'est sûr qu'une fois que le joueur est en uniforme, pas toujours évident après ça de voir un gars comme Agostino dire hey, aller parler au directeur du développement des joueurs et dire qu'est-ce qui se passe. Il peut y avoir des discussions. Okay. Mais oui, ça peut pas durer. Marc, il me reste deux points, je veux te parler. Je peux pas croire, moi, qu'il n'y aura pas de baseball cette année. C'est rien que c'est la Ligue nationale de hockey qui veut revenir, la NBA qui veut revenir l'été, et le baseball qui, pour des raisons monétaires, en pleine pandémie, où le taux de chômage arrive, je pense que c'est 25% aux États-Unis, les joueurs refuseraient ça. Je pense que les joueurs auraient beaucoup trop à perdre. C'est sûr qu'il y a un jeu de négociation là-dedans. Oui, un gros jeu de négociation. Puis, tu sais, ce qui est plate pour les joueurs, puis je vais le dire, là, c'est que les joueurs auraient beau avoir les meilleurs arguments au monde qui font du sens, mais ils n'auront pas l'appui du public. Faut pas oublier là que 65 % des joueurs du baseball majeur font moins de 1 million de dollars. Ouais. Le problème, c'est quand les 30 qui font 30 millions font en sorte que le salaire moyen est à 4-5 millions, puis là, tout le monde pense que les gars font 8, 10, 20 millions. Mm. Mais c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, parce que je les défends pas, 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est que les propriétaires, eux autres, font des milliards. Puis on tape souvent le clou sur les joueurs. Ils disent, les joueurs, ils font bien de l'argent. Je comprends. Mais l'industrie fait que les joueurs font faire des milliards aux propriétaires. Fait que, pas un parti comme l'autre. Je veux juste dire, sur ce talent, c'est toujours les joueurs qui se font taper sur les mains. Par contre, tu as raison de dire, le baseball ne peut pas se permettre en ce moment, Danny, de ne pas jouer en raison d'un aspect financier. Ça va être désastreux pour la suite. Au contraire, si quelqu'un est un petit peu avant-gardiste, va dire, hey, on pourrait être le premier à redémarrer. On pourrait être celui qui innover un petit peu, mettre un micro sur un joueur ou deux durant un match, c'est faire des choses bien fun pour attirer une nouvelle clientèle, puis là, on est en train de se tirer dans le pied parce qu'on se chicane entre millionnaires. Fait que je trouve que le message n'est pas très, très bon présentement. Okay. J'espère que c'est la négociation. Marc, il me reste un point ce soir. ESPN et TSN, j'ai su que c'était présenté à TSN également, vont présenter un documentaire relatant la carrière de Roy Halladay. Et Roy Halladay a été quand même vu comme... moi, je me rappelle, Alex avait fait plusieurs entrevues avec Alex Agostino là-dessus, puis Halladay, il mentionnait comment c'était un gars qui s'entraînait dur, comment il prenait le match comme tel au sérieux. Là, ce qu'on va apprendre dans le documentaire, c'est que Roy Halladay avait des problèmes de consommation, un peu d'alcool et également de médicaments pour calmer la douleur. Est-ce que ça va jeter... qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça va jeter quand même un petit œil au beurre noir à la carrière de Roy Halladay qui avait une image impeccable? Ouais, donc je pense que ce qu'on va s'apercevoir, il y avait beaucoup d'anxiété dans ça. C'est une maladie, popularisée aujourd'hui. Bon, alors lui, évidemment, en souffrait beaucoup. Mm. Et je pense que, tu sais, on prend notre propre opinion sur lorsqu'on verra le documentaire, mais il y avait de la misère à s'en sortir. Ouais. Et le gars, vous comprendrez qu'il était une idole pour plusieurs. Le gars était excellent, il dominait, mais à l'intérieur de lui, ça marchait pas. Puis je pense qu'au contraire, ça va peut-être faire en sorte qu'il va falloir prendre peut-être un peu plus au sérieux des fois les signes. Pas parce que tu portes un uniforme, pas parce que tu es bon, pas parce que t'es devant les caméras tous les jours ou à performer, que t'as pas les mots de la vie de tous les jours. Alors, je pense que ça va juste rapprocher un peu. Ça explique pas tout, là, mais ça fait en sorte qu'il faut prendre soin de nos gars lorsqu'il y a des signes qui démontrent qu'il y a des problèmes, soit d'anxiété ou autre maladie connexe à ça. OK. Marc, merci beaucoup. Et on rappelle, lundi, compté de lundi, vous présentez des matchs, des expos des années 80. Ça commence avec un match contre les Phillies de Philadelphie. Par la suite, les Dodgers. Est-ce que c'est le circuit Rick Monday que vous allez présenter? On va présenter le match. Le premier, ça va être le match numéro 5, le duel Carlton-Rogers. Ouais, OK. La série 3-5. Et on va présenter le match numéro 3. Circuit Jerry White. Ouais. Exactement. OK, circuit Jerry White et par la suite, Juste pour être sûr, Danny, excuse-moi, je prends une seconde, là, mais juste pour être sûr, là, évidemment, c'est malheureusement, mais je dis ça parce que moi aussi, j'aime écouter les commentateurs de l'époque, mais vous savez, les archives sont pas si riches que ça, là, que ce soit à Radio-Canada ou que ce soit, peu importe, je connais pas les deals de tout le monde, mais c'est des matchs qu'on a réussi à récupérer via le baseball majeur, donc c'est les matchs du réseau NBC qu'on a réussi à récupérer. C'est pour ça que les voix seront celles d'Alain et moi. Donc, c'est je vais mettre ça au point parce que des fois, moi aussi, je vais m'entendre l'original. Moi, c'est pas possible. Oui, apparemment que c'est ça. Ben Marc, merci beaucoup pour l'écoute ça à compter de lundi. Merci. Notre ami Marc Griffin.